Cette histoire pourrait commencer de mille façons. Par exemple, par un nom. Vladislav Surkov. Ce monsieur fait partie du bureau de la présidence russe. Le Kremlin lui accorde toute sa confiance. On l'écoute. En 2005, Surkov écrit textuellement dans une circulaire interne « Les ennemis de l'État se divisent en deux catégories. Ceux que l'on peut ramener à la raison et les incorrigibles. Avec ces derniers, il n'est pas possible de dialoguer, ce qui les rend non rééducables. Il est nécessaire que l'État s'emploie à éradiquer de son territoire ces sujets non rééducables. » Femmes non rééducables, de Stefano Massini. Traduit de l'italien par Pietro Pizzuti. Avec Ariane Ascaride et Clément Bresson de la Comédie Française. Réalisation, Baptiste Guiton. Le matin du 5 août, récit d'une journée quelconque à Kourtchaloï, Tchétchénie. L'air est chargé d'une étrange poussière. La place est minuscule, bondée, des femmes surtout. Au sol, un mélange de terre et de sable. Des maisons grises, sombres. Tu t'attends à ce que les maisons d'ici soient blanches, qui sait, couleur sable blanc. Souvent, on pense que dans le Caucase, les maisons sont couleur sable blanc, pas du tout. Les voilà, en ciment gris, sale, presque noir. On dirait pas le Caucase, et pourtant c'est le Caucase, Caucase 2006. Je suis ici par hasard, une place comme les autres, un endroit comme les autres. Tout se ressemble ici, ciel blanc chargé de poussière. Puis, comme un géant de fer et d'acier, l'oléoduc, il traverse tout le pays. Mieux, on dirait que le pays prend forme autour de l'oléoduc. Il a poussé tout autour, comme ces champignons rougeâtres d'ici qui parfois la nuit s'accrochent au tronc des arbres. Tout autour, enraciné comme s'il voulait leur piquer la place, l'oléoduc traverse toute la Tchétchénie de haut en bas, énorme, majestueux, primordial. Tu ne sais pas où il commence, où il finit. On dirait qu'il est sur le point de s'écrouler et pourtant il est debout, encore, debout, là. Malgré la rouille, les effondrements, le poids, eh bien, l'oléoduc sillonne la place de Kourtchaloï. Il y a foule, une foule qui attend. Je n'ai pas le temps de me demander quoi, tout à coup, soulevant des nuées de poussière, un camion. Ils sont deux. Ils descendent. La foule se resserre. Je fais pareil, je me glisse parmi les femmes, une écharpe autour de mon visage pour me mêler aux autres. De la portière, on sort une bassine. Et de la bassine, les deux hommes sortent une espèce de boule de chiffon. Un ballon rouge. Ils les goûtent. C'est une tête. Humaine. Pendue à un crochet. Ils l'accrochent en haut, au tuyau de l'oléoduc. Pendue à l'acier, immobile. Comme ces outres à l'entrée des épiceries, aguicheuses, exhibées, pour donner l'eau à la bouche. Une tête, là-haut. Elle n'en a rien à foutre de l'oléoduc qui serpente dans son dos à toute allure vers l'est. Elle est immobile. Et là, elle goûte, lentement, précisément. Elle goûte. Elle goûte. Par terre, là en bas, dans la poussière, on dirait un lac. Un lac rouge. Et la tête continue de distiller dans le lac ses gouttes rouges, l'une après l'autre. Lentement. Précisément. Lentement. Précisément. Deux hommes de la police montent la garde, debout, devant. Les gens passent et regardent. Et la tête pendue goûte, lentement, précisément. À qui est-elle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux nuits auparavant, entre le 27 et le 28 juillet, deux francs-tireurs tchétchènes sont tombés dans une embuscade. La police obéissant à Moscou leur a tendu un guet-apens. 10 mètres après la sortie du village. L'un des deux a été capturé, l'autre tué. Pour donner l'exemple à tout le pays, les hommes de la police lui ont coupé la tête et maintenant ils la pendent pour qu'elle s'égoutte depuis l'oléoduc jusqu'au milieu de la place. Entre-temps, les autres policiers dressent des rapports. Ça arrive souvent ici. La police décapite les francs-tireurs et utilise leur tête comme trophée. Dans quelques heures, ils la détacheront de là-haut, la recoudront avec du fil de fer à son corps. La loi l'exige. À ce moment-là, elle aura cessé de goûter. Il y en a qui disent que les pays dans le monde sont comme leurs fleuves. Que l'âme des gens, l'histoire des peuples, s'écoule comme l'eau de leurs fleuves. Le fleuve Terek est un fleuve inquiet. Un maelstrom de roches, de cascades, de tourbillons. Ses eaux, glacées. Il naît d'un glacier. Il s'écoule sur 600 kilomètres, d'abord au nord, vers la Russie, puis à l'est. Et il s'écoule, descend, jusqu'à former un gigantesque marécage avant de se jeter dans la mer Caspienne. Le fleuve Terek, un serpent d'eau enchâssé entre les montagnes du Caucase et deux mers, la Caspienne à droite, la Noire à gauche. Comme une motte de terre aride jetée entre deux flaques d'eau. Et les gens sont en guerre depuis des siècles. Ils se disputent le pouvoir sur cette motte de terre. Les pays ne se comptent plus. Ossétie, Ingouchie, Daghestan, Balkarie, Tcherkessie, Adygé, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, là au fond. Puis la Turquie. Et pile au milieu de la motte, fichée là, encastrée, suffocante, minuscule, la Tchétchénie. Agrippée aux rives du Terek. Terre inquiète, la Tchétchénie, comme son fleuve. Terre insoumise, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles. Elle ne veut ni chef ni autorité, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles. Terre noble, hostile, comme les chevaux d'ici qui ne se laissent pas dompter. Terre insolente, la Tchétchénie, désobéissante, périlleuse, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait des siècles. Aujourd'hui encore, le salut que les gens s'échangent dans la rue n'est ni bonjour, ni bonsoir, ni Dieu te bénisse, mais la liberté soit avec toi. Marcio Dorilla, liberté, que personne ici n'a jamais connue. Depuis le XVIIIe siècle à nos jours, la Russie fait la guerre à la Tchétchénie pour se prouver qu'elle a le contrôle de l'Empire. Depuis le XVIIIe siècle à nos jours, la Tchétchénie ne demande pas l'autonomie, elle l'exige, avec des émeutes, des révolutions, des bombes, des attentats. C'est ça la Tchétchénie pour les Russes, une terre de rebelles à dompter, dans le sang. C'est ça la Russie pour les Tchétchènes, une terre de chefs à chasser, par le sang. Le tsar Nicolas Ier les a persécutés pendant 40 ans. Staline les a déportés en masse, toute la population tchétchène déplacée en 3 jours au Kazakhstan. Planification territoriale soviétique. Redistribution ethnique. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Tous reviennent à la maison seulement 13 ans plus tard, en 1957. Ces 10 dernières années, la guerre est presque ininterrompue. La guerre pour sauver la Russie des islamistes, les Arabes du Sud. En Russie, les peuples du Caucase, on les appelle les culs noirs. On appelle cette guerre la longue guerre contre les culs noirs. Les quelques voix qui s'opposent sont celles des mères des soldats. Elles protestent, marchent sur la place. Elles ne veulent pas laisser partir leur fils au front. Solution. À partir de demain, on n'enrôle plus que des orphelins. Comme ça, personne ne râle. La Russie expédie en Tchétchénie des troupes de mercenaires. Sous contrat. Je te paie, tu tues. Se présentent pour l'enrôlement des ex-détenus, des criminels, des bandes de chômeurs et des ultranationalistes du genre « je jouis quand je tue un cul noir ». Il s'appelle « Unité de nettoyage des bois tchétchènes ». De fait, ils nettoient, et comment ? Mieux, ils épurent. C'est différent. Je convainc un jeune gars des unités russes de me parler. Je le rencontre dans une caserne, à moitié vide, à la périphérie de Grozny. Il n'y a plus qu'une petite garnison d'hommes. Les autres se sont déplacés sur les montagnes. Sa tenue de camouflage taille plus grand que lui. Elle lui gonfle les épaules. Je ne lui dis pas, mais il a l'air ridicule. Tu t'appelles comment ? Sacha. Bien. Sacha... Sacha Gribdaev, mais ne l'écrivez pas. Je peux te demander quel âge tu as ? 19. Et tu es en Tchétchénie depuis quand ? 7 mois. Tu l'as choisi ou on t'y a envoyé ? J'ai choisi, personne ne m'y a obligé. Comment se fait-il qu'un gars de 19 ans décide de venir en Tchétchénie ? On me paye. Rien que pour ça. J'ai souffert de la faim pendant 1 an et demi. Il n'y a plus de travail. Et tu t'es enrôlé ? Je suis orphelin. À ce moment-là, j'ai appris que l'armée cherchait des orphelins pour la Tchétchénie et qu'il y avait plein d'argent à gagner. Si je devais recommencer, je le referais tout de suite. Sacha, combien de personnes tu as tuées depuis que tu es en Tchétchénie ? Je suis en ordre. Qu'est-ce que ça signifie, être en ordre ? Avec les chiffres. Quels chiffres ? Chacun de nous doit en tuer 3 ou 4 par jour. Par jour ? Alors, au moins 3 ou 4. Vous y arrivez ? On a des techniques. Par exemple ? Le fagot humain. C'est quoi ? On entre dans un village, on prend 10 personnes, on les lie avec une corde. Puis on fout une grenade dans le tas et on fait sauter. Boum. Excusez-moi, vous n'auriez pas une cigarette ? Tu l'as déjà fait ? Quoi ? Ce fagot humain. Boum. 3 fois. Et tu en es fier ? Il le ferait avec nous. Nous, on le fait avant. Puis... Puis ? Je veux dire, ce ne sont pas des hommes. C'est que des Tchétchènes. Ouais, alors, cette cigarette. Je regarde ce gamin devant moi. Au fond, il pourrait être mon fils. La question qui me vient est... Y a-t-il une cause ? Une raison ? Puis je pense que sa vie, ses 19 ans, résume tout un pan de l'histoire de la Russie. Mon histoire, notre histoire, en 5 étapes. 1986. Le gamin est né en 1986, c'est-à-dire quand Gorbatchev parle de liberté, de transparence. 1986. Perestroïka, Glasnost, vie nouvelle. On parle à haute voix, on pense, tout est en train de changer. Dans les journaux, on commence à se demander quelle saloperie de cadavre le KGB cache dans ses placards. 1991, le jeune gars a 5 ans. Il va à l'école. Il voit la fin de l'Union soviétique. Il entend beaucoup de discours. L'Occident, la démocratie. Des désirs, des rêves, des espoirs. Regarder vers l'avenir. Si tu veux vexer quelqu'un, tu lui dis « face de KGB », qui veut dire « face de merde ». 1996, là, il a 10 ans. La grande désillusion. En Russie, on ne mange plus. Les magasins sont fermés. Les délinquants partout. Des prix fous. Dans les rues de Moscou, un mélange de millionnaires en Rolls-Royce et des foules de gueux. Le président de la Russie est Boris Yeltsin. Sous, du matin au soir, aux funérailles d'État, en direct à la télé. Il rit et siffle. Marche arrière. Quelqu'un dit « N'empêche, le KGB fonctionnait très bien. Il assurait l'ordre. » L'ordre qui n'est plus là. 2001. 2001, le jeune homme à 15 ans. La Russie, c'est pire que le Far West. On te tue dans la rue pour te voler d'un rouble. Personne ne travaille. Il y a des bandes de mafieux, des attentats, des bombes, des immeubles explosent, des métros, les places noires de manifestants, néo-nazis, néo-léninistes, néo-staliniens, néo-tsaristes, hyper-ultra-extra-nationalistes, hissent des drapeaux en criant « Si au moins il y avait encore le KGB !» Et de fait, on prend un ex-colonel des services secrets et on le fait président. On déclare la guerre patriotique contre la Tchétchénie. On dit que c'est un triomphe. Vive le président, vive la Russie. Nous sommes de nouveau une grande nation. 2005. Aujourd'hui, le jeune homme a 19 ans. Il se consacre au fagot humain. Et il est content. Mais si je lui demande « Tu veux faire quoi dans la vie ?»« Maintenant, je fais la guerre. » »« Et quand elle sera finie ?»« J'espère qu'elle finira jamais. » Tu n'as pas peur d'être à Grozny où les gens meurent ? Tout le monde pense que le problème à Grozny, c'est la peur de la mort. Sauter en l'air, se faire tuer, se retrouver avec une balle dans la tête. En réalité, c'est pas le pire. Tu t'habitues à l'idée de mourir. Après un moment, tu finis par ne plus y penser. Tu fais avec, en somme. Tu sais que ça peut t'arriver. Mais tu l'oublies. Dans ta tête, une drôle d'idée. Tu es en train de jouer avec la mort. Tu la défies, tu la frôles, tu passes tout autour d'elle. Tu sais qu'elle est là, tout autour, mais tu vas de l'avant. Je veux dire, elle est tellement présente que tu ne la vois plus. Le problème, le vrai, durant mes mois passés à Grozny, est autre. Le problème, c'est que tout est un problème. Et ça l'est tout le temps. Depuis ton réveil le matin jusqu'au moment où tu refermes les yeux le soir. Journée type d'une journaliste à Grozny. Liste des problèmes d'une journaliste à Grozny. 7 heures du matin, réveil. Premier problème, se laver. L'aqueduc a explosé. Il n'y a plus d'eau. Tu ouvres les robinets et pas une goutte. L'eau en bouteille coûte cher. De toute façon, tu n'en trouves plus, même si tu es prêt à la payer. La seule eau de Grozny, c'est les militaires qui l'ont. Ils l'amènent depuis la Russie en camion-citerne. À la sortie de leur campement, en effet, il y a une queue immense. Ils se font payer, au noir. Pour 3 minutes de douche, montre en main. 9 heures. Petit déjeuner. Deuxième problème. Il n'y a rien à manger. Mais il faut bien que tu manges quelque chose, parce que 8 mois par an, il fait un froid de canard. Et si tu ne manges rien, tu tombes dans les pommes. Soit dit en passant, ça m'est arrivé aussi. Et voilà que tu tentes de résoudre ton problème en te mettant en quête de provisions. Attention, pas la peine de chercher ce que tu aimes, ce serait un luxe. Non, je veux dire, le minimum comestible. Tu déjeunes avec une demi-boîte de viande, du lait en poudre, des anchois. Des galettes au son, oui, celles pour le régime. Les crampes à l'estomac sont terrifiantes, je le garantis. Autrement, si on veut manger... La seule nourriture à Grozny, c'est les militaires qui en ont. Ils l'amènent de Russie avec des fourgons. À la sortie de leur campement, en effet, il y a une queue immense. Ils se font payer, au noir, pour un paquet individuel avec une seule tranche de pain. Parfois, je le jure, j'y ai été. 10 heures. Tu commences à faire ton métier. Tu devrais écrire un papier. Troisième problème, il n'y a pas d'électricité. Mieux, elle va et vient. Il y a des attentats, on vise des centrales téléphoniques, le réseau cafouille. Alors, tu te mets à écrire à la main sur des bouts de papier, puis tu dictes au téléphone. Depuis une officine, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réseau pour les portables. Il reste une dizaine d'officines en tout et pour tout au centre-ville. Les seuls téléphones de Grozny, ce sont les militaires qui les ont. Si tu paies, peut-être. Mais ça, je n'ai jamais essayé. 13 heures. Tu t'actives, entre autres, pour recueillir les interviews. Quatrième problème, se déplacer. La moitié des rues ont explosé. Il y a des cratères, des crevasses, des fosses partout. Tu ne peux te déplacer qu'en 4x4. Les militaires en ont. Mais les gardes? Alors commence ma chasse au véhicule. Tu dresses l'oreille. Tu as dit que tu quittais la ville? Il y aurait une petite place pour moi? Comme ça, au moins, c'est bon pour l'aller. Le retour? Bonjour l'imagination. 15h, 16h, 17h, tu rencontres des gens, tu prends des notes, tu observes. Cinquième problème, les postes de contrôle. Le concept de base, j'ai compris, est le suivant. Pour les militaires russes, les gens de Grozny ne devraient pas quitter la ville. Pour eux, la ville entière devrait vivre emmurée, cadenassée. Dès que tu sors dans la rue, tu es déjà en tort. On t'arrête entre 5 et 10 fois par jour. On te demande tes papiers, on les contrôle. On fait l'ironie, on blague cochon, on sous-entend. J'encaisse. Puis arrive la question. Vous aviez vraiment besoin de circuler? Ce qui signifie justement que circuler est pour ainsi dire un crime. Ça m'énerve. Je ne supporte pas. Parfois j'arrive à me taire, j'acquiesce, je feins une migraine. D'autres fois, hélas, je craque, je réponds. Et vous, vous aviez vraiment besoin de respirer? Pour la petite histoire, j'ai calculé que 2 heures par jour passent en poste de contrôle. 18h. La nuit commence à tomber. 6e problème, le couvre-feu. À partir de maintenant, les problèmes triplent. Non seulement à cause des postes de contrôle. Non seulement parce que tu dois rentrer, va savoir comment, mais aussi parce que tu commences à avoir faim. Il y a d'autres problèmes dès qu'il fait noir à Grozny. Les bandes de hors-la-loi. Ils se postent derrière les coins dans le noir. Il n'y a qu'un réverbère sur 10 qui marche. Et ils te volent n'importe quoi, y compris les boutons de ton chemisier. Si tu ne tombes pas dans les mains des délinquants, tu peux toujours compter sur les poivrons. Ils achètent la vodka aux militaires. Ou bien sur l'un ou l'autre drogué. Ils achètent l'opium aux Tchétchènes. Et en prime, tu te tapes la délicieuse éventualité des hordes de chiens errants qui, en ville, mettent en pièces des dizaines de personnes chaque mois. 22h. Il est temps de dormir. 7e problème, dormir. Les explosions sont au nombre de 4, 5 ou 6 par nuit. À chaque explosion, tu te réveilles et tu te demandes « C'est mon immeuble qui s'écroule ?» Tu regardes le plafond, tu vois qu'il ne s'écroule pas, tu touches le sol, tu sens qu'il ne s'écroule pas, tu te dis « Ce n'était pas pour cette fois-ci. » Tu te rendors. Du moins, tu y sais. Jusqu'à la prochaine. Voilà, fin de la journée. Fin des problèmes. L'année passée, on m'a invité à un congrès à l'étranger. Après 3 mois consécutifs à Grozny, j'ai été en France. J'atterris en pleine nuit, je descends à l'hôtel. Je me réveille le lendemain avec une étrange sensation. Je me lève, je vais dans la salle de bain. Je fixe le robinet avec appréhension. L'ouvre d'un coup et c'est incroyable. Un jet d'eau en sort. Chaude, qui plus est. Je la laisse couler en la fixant et j'ai envie de rire. Je ris, mais pas un petit rire, un rire énorme. Je sais même plus si je ris ou si je pleure. Je sais seulement que je reste là à fixer l'eau, à la humer, à la contempler. Comme une conne. Hôpital numéro 9. Il y a plus de mouches ici à l'hôpital que dans une porcherie. L'hôpital numéro 9 de la capitale, Grozny. Je suis ici pour interviewer un grand professeur. Il est jeune, il s'appelle Sultan Khayef. Il a une jambe raide, paralysée. Je lui demande qu'est-ce qu'il a fait à sa jambe. Ça m'a coûté une jambe, oui. J'ai eu de la chance, je suis vivant par miracle. Souvenir d'une mine? Non, voiture, un carrefour, un véhicule blindé de l'armée russe est arrivé à fond la caisse, une fusée en pleine ville. La voiture a été complètement broyée, moi j'étais éjecté. C'est un militaire russe qui conduisait. 20 ans, ivre. Il y a eu une enquête ? On lui a donné une médaille. Attends. Ceci est le seul hôpital ? Le seul qui soit resté debout. Tombez à quoi ? Ouais, mais debout. Ah, si tu passes dans les différents services, tu verras, par-ci par-là, il manque un mur, on aperçoit l'extérieur. C'est le cadeau de quelques coups de mortier. De l'armée ? De n'importe qui, on sait plus qui tire à Grozny. On sait que ça tire, c'est tout. Il y a des lits de camp partout. Allez, ici, on prend un banc, on jette une nappe par-dessus et ça devient un lit. Aux urgences, on opère les gens sur des planches en bois. Docteur Khaïev, combien de blessés arrivent dans ce service ? Les derniers mois, presque 300. Des gens arrivent sans cesse. L'un sans bras, l'autre sans la moitié du visage. Souvenir d'une mine. J'en ai surtout des femmes. En effet, la plupart sont des femmes. Elles viennent de la campagne, des villages voisins. Il y a des bandes mixtes de militaires russes et de francs-tireurs tchétchènes. Et rivalisent entre eux à qui en viole le plus en une seule nuit. Et la police ne les arrête pas ? Ici, le viol est légal. Si tu violes une femme, personne ne fait rien. Au régiment cuirassé du colonel Boudanov, chaque nuit, on amène des filles. Le lendemain matin, elles arrivent ici. À moins qu'ils ne s'amusent à les tuer en les rouant de coups. Et tôt ou tard, elles rentrent à la maison ? Non. Par tradition tchétchène, lorsqu'une femme est violée, elle n'est même plus digne de son mari. Elles sont abandonnées. Même par leur famille, elles sont impures. Et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Rien. Elles restent comme ça ? Sans rien ? En Tchétchénie, tout est comme ça. En suspens. Les gens n'existent pas. Nous sommes des corps sans rien dedans. Nous ne sommes personne. Une terre de personnes. Une terre de personnes. Je pense qu'au fond, il suffit de peu de choses pour comprendre ce qu'est la Tchétchénie. Il suffit de regarder qui commande. Nom, Ramzan Kadyrov. Âge, 30 ans. Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le président de la Tchétchénie. Sa gueule est sur toutes les affiches, sur tous les murs, dans toutes les rues de Grozny. Vous vous demandez, comment se fait-il qu'un jeune homme de 30 ans soit devenu premier ministre ? Son histoire, au fond, est simple. Alors, le père de Ramzan était Artmad Kadyrov, président de la Tchétchénie. À un peu plus de 20 ans, Ramzan est nommé chef du service de sécurité présidentielle tchétchène. En 3 ans, il collectionne de nombreuses accusations de viol, de violence, d'homicide. Bien. On continue. À 25 ans, Ramzan Kadyrov fonde une armée. Eh bien oui. Ça aussi, c'est possible en Tchétchénie. Le fils du président fonde son armée privée. On le paie avec l'argent de l'État et la Russie le soutient. L'armée de Kadyrov junior compte 3000 hommes. Elle prend le nom de son chef. Les troupes s'appellent les Kadyrovtsi. L'Observatoire des droits de l'homme soutient que 70% des tortures en Tchétchénie sont à l'heure actuelle imputables à l'armée personnelle de Ramzan Kadyrov. Bien. On continue ? Ramzan Kadyrov reste le chef de la sécurité jusqu'au 9 mai 2004. À cette date, se tient dans le stade de Grozny une parade pour commémorer la victoire des Soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Le président, père de Ramzan, est assis à la tribune d'honneur. Coup de théâtre, une forte charge d'explosifs fait sauter en l'air tout le comité présidentiel. Le jeune Ramzan n'était pas présent au stade et survit. Coup de bol. En signe de solidarité, les Russes nomment Ramzan numéro 2 de la République tchétchène, vice-premier ministre. Pas mal du tout. Ramzan n'a que 28 ans et est déjà vice-premier ministre. Mais ça ne lui suffit pas. Il le dit publiquement plus d'une fois. Il voudrait être au poste du premier ministre, Sergueï Abramov. Et son rêve se réalise. Parce qu'Abramov meurt. dans un accident de la route en décembre 2005. Personne n'a encore élucidé les causes de l'accident survenu à Moscou. Toujours est-il que Ramzan devient automatiquement Premier ministre. Bien. On continue. Aujourd'hui, avec le soutien des Russes, Ramzan Kadyrov dirige la Tchétchénie, un gouvernement de la terreur fondé sur des troupes paramilitaires. En 10 ans, un quart de la population originelle a été exterminée. Anna Politkovskaya interviewe pour son journal Ramzan Kadyrov, tout de suite après sa nomination de Premier ministre. Ses réponses sont publiées telles que Kadyrov les a formulées, sans changer une virgule. D'habitude, les politiciens se lamentent quand les interviews ne sont pas fidèles à ce qu'ils ont dit. Mais dans ce cas, c'est le contraire. La réaction de Ramzan Kadyrov le lendemain de la publication. Je trouve le comportement de cette journaliste inacceptable. Ne sait-elle pas que son rôle, c'est d'avantager l'interviewé? De quel droit a-t-elle publié mes réponses telles que je les ai données? Probablement, cette femme ne veut plus être des nôtres. Les fosses de Cotouni. Il me dit d'entrer. Il fait presque noir dans le char. Dehors, il pleut des cordes depuis ce matin. J'entends la pluie et la grêle. Ça tape contre la tôle verte du blindé. C'est la première fois qu'un haut gradé de l'armée russe en Tchétchénie accepte de me rencontrer. Il s'appelle Alexei. Le nom de famille, motus, interdit. Grade de colonel. Il commande toute une unité aéroportée. Nous sommes à Cotouni. Un endroit fantôme semé de décharges. Tout autour, je compte des dizaines de fosses. Ce sont des cratères creusés dans le sol, profonds, à moitié remplis d'immondices. On y déverse les bidons. Ici, il n'existe pas d'autre manière de traiter les détritus. Ils sont là, amassés. La pluie mêlée aux ordures a formé des flaques de boue noire. Dehors, la puanteur est vomitive. Elle mord la gorge. Au moins, dans le char, on respire. Le colonel est assis au milieu des boutons et des commandes. Cheveux blancs, rides profondes, creusées. Sur sa poitrine, il arbore une médaille. Il n'arrête pas de la tripoter. Lunettes noires, de soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais il les garde. Il me fixe, comme si j'étais une surprise. Silence embarrassant. Puis je comprends tout. Je pensais que ça allait être un homme. Une femme, ça ne va pas. Pour moi, si, vous pensez bien. Je dis ça pour vous. Dans quel sens? Mais il vient faire quoi dans ce trou, un journaliste en jupette? Jetez un œil. C'est votre mari qui vous envoie? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est moi qui pose les questions. Commencez par écrire que pour rester ici en Tchétchénie, il y a un terrasse qu'on nous paie mieux que ça. Dans quel sens? 40 ans de service, si je dois patauger dans ce merdier, je veux que ça me rapporte. C'est vrai que les militaires russes saccagent les villages avec les bandes de Tchétchènes? Je crois pas. Mais vous ne le niez pas non plus. Et si on était mieux payés, ça arriverait pas. Vous confirmez aussi que vos soldats boivent et se droguent? Des cas isolés. Vous les punissez? S'ils sont déprimés, vous avez une meilleure idée? Et qu'à les payer correctement, je vous dis. Et les agressions, les viols, vous confirmez? Les journaux en rajoutent. Mais encore? Nos gars sont jeunes. Ils sont loin de chez eux. De temps en temps, ils se marrent un coup. C'est tout. Je vous fais remarquer que les gens ici sont des enculés. Primo, les femmes sont consentantes. À la suite de quoi, elles filent raconter qu'on les a violées. C'est la race tchétchène. Ils mentent comme ils respirent. Ils sont faits comme ça. Il y a des documents officiels. Bricolés de toutes pièces. Les journalistes comme vous mentent. Je devrais écrire quoi? Nous combattons pour la patrie, contre les ennemis du peuple et les traîtres. J'écrirai que vous êtes des héros. Écrivez ce que vous voulez. Moi, je sais ce qu'on endure ici. Par exemple? Vous avez vu les décharges dehors? Avec l'immondice, faut qu'on jette aussi les Tchétchènes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous n'avons pas de camp pour les prisonniers, donc on les jette là. Dans les fosses? Avec les ordures? Il y a de la place. On les emboîte par dizaines. Pourquoi vous me dites ça? Parce que si je dois faire les boueurs, faut qu'on me paye plus. Écrivez-le. Une radio allumée. Musiquette. La chambre d'à côté? Peut-être l'autre? Je ne sais pas, de toute façon, elle est allumée. Je suis assise. C'est quoi? Une chaise? Je n'y ai pas prêté attention. Peut-être une caisse? En bois? Je n'ai pas l'impression. En carton? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en ai pas la moindre idée. Les gouttes de transpiration sont si grandes que... Je pourrais les compter, oui. Je pourrais les compter. Derrière l'oreille. Le long des cheveux. Une, deux, trois, vingt, trente, cinquante. Eux m'encerclent. Combien sont-ils? Trois, quatre? Mais il y en a un autre aussi. Il entre et il sort. Le canon du fusil est pointé contre ma nuque depuis combien de temps maintenant? Une heure? Peut-être plus ou peut-être moins? J'ai l'impression que ça fait un siècle. Alors, journaliste, tu ne veux pas nous dire avec qui tu as parlé? La musiquette de la radio ne diminue pas. J'entends un bruit à ma droite. Instantanément, je tourne le visage. Une main attrape mes cheveux et tire vers le haut, tandis qu'un coup de poing me fracasse le nez. Je tombe par terre. Je traîne mon visage contre le sol. On m'envoie un coup de pied dans la poitrine. Et à deux, me soulevant par les aisselles, ils m'entraînent dans la cour. D'ici, la musiquette ne s'entend plus. Il me lie à quelque chose. Je sens le métal froid dans mon dos. Mortier, je crois. Lui s'amène, son visage tout contre le mien. Maintenant, on va faire boum et ils vont te retrouver en petits morceaux. Qu'est-ce que tu fais, journaliste? Tu ne causes pas? Je ne parle pas, en effet. Aucun son ne sort. Pas un mot, pas une larme, pas un gémissement, pas un cri. Je ne suis plus moi-même. Je ne bouge pas un doigt. Je ne m'appartiens plus. La musiquette a repris, ça, je l'entends. La porte s'ouvre, un type entre en courant. Il dit quelque chose à l'oreille de l'autre, c'est à mon sujet. Il me fixe. Puis... Journaliste, le ministère t'a sauvé par la peau du cul. Je ne réagis pas, ça ne me regarde pas. Il me détache. On y va. Un hélicoptère est prêt à partir, je ne bouge pas mes jambes. Il me jette dedans. Je reste là, étendue, pendant tout le vol. Les pilotes ricanent, blagues cochonnes. À côté de moi, je sens un autre corps. J'explore avec mes doigts. Je tourne ma tête. Ce n'est pas facile. C'est un cadavre. Encore chaud. Lettre ouverte publiée dans le journal de Sakhaline par les militaires du 68e corps de l'armée russe en Tchétchénie. Lettre de réponse publiée dans le journal de Sakhaline par Anna Politkovskaya. 23 mars 2001. À la très peu estimable journaliste Anna Politkovskaya. 13 avril 2001. Aux anonymes officiers de l'état-major du 68e corps de l'armée russe. Chère madame, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière à offenser les forces armées russes. Nous avons senti le besoin de vous écrire, malgré le mépris, non pour répondre à la boue avec laquelle vous nous souillez, mais parce que ça nous choque que vous soyez considérée comme une grande journaliste. Chers messieurs, vous savez qui je suis, mon nom et prénom. Et je ne marche pas en Tchétchénie un passe-montagne noir sur mon visage comme font les troupes russes pour un motif que nous ignorons. Vous nous accusez de vous avoir arrêté à un poste de contrôle en février dernier. Bien. Il est possible que vous ayez été traité durement. voire avec une certaine violence. Vous m'écrivez que je vous éclabousse. Je ne fais que raconter. Si je vois que les impôts publics financent la violence et la torture, j'ai le devoir de l'écrire. Si vous vouliez être traité avec des gants, vous n'aviez qu'à ne pas venir en Tchétchénie. Si vous êtes vraiment une grande journaliste, vous devriez savoir que la guerre a ses règles. Et qui les enfreint ne doit pas venir pleurnicher ensuite comme vous le faites dans vos articles. Vous ne deviez pas venir ici pour diffamer ceux qui risquent leur vie pour éviter que votre bel immeuble de Moscou ne saute. Vous m'écrivez que vous risquez votre vie pour la Russie ? J'ai demandé aux militaires de m'escorter dans des zones dangereuses et personne de vous n'a bougé. J'ai vu par contre vos militaires saccager des bureaux de poste et expédier de l'argent à Moscou dans les cercueils des soldats morts. En nous accusant, vous êtes du côté opposé au nôtre. Donc vous êtes un ennemi, chère madame. Sachez qu'ici, nous sommes sans pitié envers nos ennemis. Et nous continuerons de l'être par devoir envers notre patrie. Vous m'écrivez aussi que je suis une ennemie. Et pour cela, vous me menacez, jusque dans les colonnes d'un journal. Je vous réponds que je le suis. C'est vrai. Ennemi d'une armée de criminels, recrutés dans les prisons ou parmi la pègre de Moscou. Ennemi de ceux qui violent, saccagent et volent. Même si nous ne signons pas personnellement, sachez que nous sommes un groupe d'officiers de l'état-major. Si en plus vous êtes vraiment fier de ce que vous faites, si vous êtes convaincu d'être dans votre droit, très bien. Retirez vos passe-montagnes. Ça suffit avec l'anonymat. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que j'ai tort. Votre dévouée, Anna Politkovskaya. Canapé, chez moi. Non, pas en Tchétchénie, non, chez moi, à Moscou. Télécommande, je zappe distraitement, publicité, nouvelles, un jeu, du sport, rien ne me frappe, je zappe distraitement. Puis je m'arrête. Première chaîne de la télévision publique, la télévision d'État, télévision russe, 20 heures. Le plus grand taux d'écoute. Donc, en ce moment, dans toute la Russie et au-delà, des millions d'écrans dans des millions de maisons se syntonisent. C'est la première diffusion du nouveau téléfilm. Titre : La guerre juste. Ça se passe de nos jours en Tchétchénie. Je ne zappe plus, ça m'intéresse. Les protagonistes : un groupe de soldats russes. Ils sont jeunes et beaux. Chacun reçoit une lettre. Tu partiras pour la Tchétchénie. Personne ne râle. Au contraire, ils sont tous là. Ils tiennent des propos du genre « Je quitterai tout pour défendre ma patrie. » Un père dit adieu à son fils qui part au front. Il lui dit « De mon temps, j'ai combattu Hitler. C'est ton tour. » Larmes, émotion. Je remarque qu'à chaque fois qu'il y a un plan des troupes russes, démarre une bande son de violon. Ils ne boivent pas, ne disent pas de vulgarité, ils sont honnêtes, loyaux. Ils s'appellent mon ami, ils s'entraident, se sacrifient. Ils écrivent des lettres à leur famille en claquant des dents à cause du froid. Quand l'un d'eux est blessé par une mine, on entend un cœur angélique, la chute du héros. Face à eux, il y a les méchants, c'est-à-dire les Tchétchènes. On a casté des comédiens laids. Balafré, plein de cicatrices et de bandages. Il y a un borgne, un édenté, un autre, le chef, porte un turban orné d'un serpent. Il boite, on l'appelle l'éclopé. Je remarque que les personnages russes ont de beaux prénoms. Les Tchétchènes n'en ont pas vraiment, juste des sobriquets genre la brute, le faucon, œil de rat. Pas une séquence sans que les Tchétchènes ne disent d'obscénité. Ils volent, se droguent, se trahissent l'un l'autre. L'un tue sa femme, l'autre vend ses enfants. Ils font des plans d'attentats à Moscou en se marrant, lâchent des « Nous allons tous les écouiller, ces sales Russes !» Quand l'un d'eux meurt, le ciel s'ouvre, transpercé par un rayon de soleil. Dans une scène du premier épisode, l'action se déroule dans une mosquée de Grozny. On dirait le repère des ogres dans les fables russes. Un bouge, infâme, humide. Tout le monde est armé jusqu'aux dents. Le plus beau personnage est une jeune fille, Tchétchène. C'est bizarre, elle a un prénom. Roukia. Elle sort avec un Tchétchène laid et méchant qui la bat jour et nuit. Mais voilà qu'elle tombe amoureuse de Sacha, un soldat russe. Lui la sauve, il l'emmène à la caserne russe. Là, tous les officiers lui disent « Tu es à l'abri ici ». Là-dessus, elle pleure et dit « Allah vous bénisse ». Dans le générique de fin, une inscription défile lentement. Elle prend tout l'écran. « Vous venez de voir une histoire vraie ». À ce moment-là, dans toute là aussi et au-delà, des millions d'écrans, dans des millions de maisons, vous venez de voir une histoire vraie. La ville est blanche, le ciel est blanc. Cela fait des mois qu'il neige sur Grozny, sans interruption. Jamais vu un hiver pareil. Glace, neige fondue, l'angoisse, les décombres recouverts de neige, les immeubles éventrés, béants, déserts, les squelettes de fer, du ciment armé, des vitres, 15 degrés sous zéro, des décombres surgélateurs. On voit ça aussi à Grozny. Sur l'un ou l'autre mur, au milieu du blanc, se détache une inscription rouge à la peinture fraîche. Russe, rendez-vous, vous êtes encerclé. On voit ça aussi à Grozny. C'est un après-midi comme tant d'autres, d'un hiver glacé. 4 jours avant la fin de l'année. Je ne sais pas encore que cette date deviendra célèbre, le plus grand attentat de ces 10 dernières années. Des Tchétchènes font sauter en l'air d'autres Tchétchènes, entre eux. Parfois on dit « comme des bêtes », mais les bêtes ne se tuent pas comme ça, entre elles. Un camion bourré d'explosifs, un kamikaze l'explose contre un mur, le mur du palais du gouvernement, un nombre de victimes incalculable. Celui qui n'a pas vu de ses yeux un attentat, qu'il évite d'en parler puisqu'il n'en sait rien. Celui qui pense que le sang à terre est rouge, qu'il se taise, il ne sait pas qu'il est marron, presque noir. Celui qui pense qu'un cadavre est impressionnant, qu'il n'en dise mot car il ne sait rien des corps qui se traînent au sol, vivants, en morceaux. L'explosion fait trembler les murs. Ce n'est pas la bombe habituelle, ni un coup de mortier, non. Cette fois, c'est autre chose. C'est ce que je pense. Je le lis dans les yeux des gens qui sont autour de moi. Le temps s'est arrêté. Stop. Silence. D'abord la détonation assourdissante, à présent le silence. Le temps s'est arrêté. Pendant un instant. Puis il a recommencé. La fumée a envahi la rue instantanément. Et comme venant du néant, comme un écho lointain, un son que je ne connais pas. Si, je sais ce que c'est, emmêlé, bestial, profond. Je viens de comprendre qu'il s'agit des cris de ceux qui sont là. Je décide de courir, je veux voir. Je tourne le coin, je cours. Une masse de gens s'enfuit en hurlant, en criant. Elle s'enfuit en sens opposé, elle s'enfuit. Les visages sales, cris poudreux, fuient. Ils se heurtent, se cognent, ne me voient pas. La fumée dans l'air te prend à la gorge et le cœur dans ma poitrine qui bat, bat, bat la chamane. L'essoufflement, je n'ai plus de souffle. Même les yeux ne résistent pas à la fumée, ils brûlent. Il brûle à en crever. Les flammes maintenant, je les vois. Immenses. Derrière moi, les sirènes qui arrivent. Je glisse, je me rattrape. La neige est fraîche. On dirait du brouillard dans l'air. Ce n'en est pas, c'est la fumée, les cendres, la poussière. Je cours, je suis presque, je cours. Je lève les yeux, je cours, je m'arrête. Le sang, la neige, le sang, Neige. Le sang. La neige. Du feu. Partout. Devant mes pieds. Dans la glace. Une jambe. Des fourgons incendiés. Tir de taxi. Des voitures. Sur le corseau des papiers. Des dossiers. Un bras. Des vêtements en lambeaux. Des drapeaux avec leurs hampes. Des soutanes. Des sachets. Des chapeaux en laine. Plastique. Des écharpes. Du vomi. De la merde. Du pétrole. Des pneus. Des capots de voiture. Panneaux routiers. Des morceaux de vie. De souvenirs. Des cravats. Deux chiens. Des bris de verre. Des éclats. Des bouts de fer. Des bouts de bois. Un enfant. Une tête humaine. Faravant. Des carrelages. Des tubes cassés. Des clenches. Un volant. Des fils électriques. Un siège de voiture. Des extincteurs. Une radio. Des cheveux. La neige. Des tisons. Le sang. La neige. Le sang. La neige. Le sang. Eh oui. La neige. Le sang. On voit ça aussi à Grozny. Le sang. La neige. Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 5 ans, 6. Mon enfance soviétique. Les épiceries, c'était des locaux pleins d'étagères vides. Une boîte oubliée, par-ci, par-là, un cajot de légumes, une bouteille. L'épicerie, tout est là. Moi et ma sœur, nous passions la journée avec une tante, Vera. Et tante Vera, parfois, nous allumait des étincelles au fond des yeux. Aujourd'hui, nous allons faire du bouillon de poule. Mais les magasins étaient vides. Pas de poulet prêt à passer au four. Si par magie un poulet apparaissait en cuisine, c'est que quelqu'un, un paysan, nous l'avait offert, pour s'acquitter de Dieu sait quoi. Alors tante Vera prenait le poulet, le plumait, et pour le nettoyer du duvet, le passait sur le gaz, de manière à ce que la chair brûle légèrement. Voilà. Cette odeur de poulet sur le feu, la chair brûlée du poulet dans la cuisine de tante Vera, voilà. J'ai senti cette même odeur, elle est là, identique, à l'instant. 40 ans se sont passés, la même chair brûlée. Corps sauté, carbonisé, bourré d'explosifs, imbibé d'essence. Là, il y a les restes. Je suis debout, paralysée, les yeux rivés. Je me rends compte que la Tchétchénie aujourd'hui, c'est ça aussi. Des gens brûlés vifs comme les poulets de tante Vera. Musical. Lumière jaune, orange, vert, bleu. Reflet doré sur le carrelage blanc. Tapis rouge, partout dans le hall. Divan pour le public. Accrochées dans les vitrines, les affiches du musical Nord-Ost. Criblées par les balles. Nous sommes l'un devant l'autre. Moi et le chef des terroristes. Je sais qu'au-delà de cette porte, au parterre, il y a des centaines de personnes. Leur sort dépend aussi de moi. Le fusil mitrailleur plaqué sur ses genoux, il ne le retirera jamais. Nous parlons, comme ça, assis. Dans le hall du théâtre Dubrovka. Sur le sol, une mer de vitres brisées. Glace fondue, couleur framboise, ça colle aux chaussures. Je m'appelle Bakar, Abou Bakar. Je suis Anna Politkovskaya. Pourquoi avez-vous accepté de venir ? Je ne sais pas, j'ai accepté, maintenant je suis là. Ne perdons pas de temps. Perdre du temps pour ? Pour la tractation. Vous pensez que vous êtes ici pour ça ? Et est-ce qu'il y a un autre motif ? Je veux que cela soit clair. Dans ce théâtre, nous détenons 800 otages. Nous sommes 41 ravisseurs. Nous sommes tous prêts à mourir. Nous avons pris ça en compte. Justement. Dites-moi ce que vous voulez. Peut-être ne voulons-nous rien. Qu'en pensez-vous? Simplement, montrer que nous existons. Que la Tchétchénie existe. D'accord. Mais dans la salle, il y a des enfants. Libérez au moins les enfants. Pourquoi? Vous croyez que les soldats russes en Tchétchénie ne s'en prennent pas à nos enfants? Maintenant, nous tenons les vôtres. Ça vous apprendra. Faites apporter de quoi manger. Il y a des femmes enceintes. Cela fait quelques jours que vous êtes enfermés ici. On n'en a rien à foutre. En Tchétchénie, les gens meurent de faim. Vous n'obtiendrez rien comme ça. Peut-être. Mais en ce moment, le monde entier voit à la télévision le théâtre de la Dubrovka et ses 800 otages. Le monde entier se fout de nous. Vous êtes en train de nous tuer, ça doit cesser. Mais qui êtes-vous pour réussir une telle prise d'otage? Un bataillon de combattants. Pour la Tchétchénie. Des guerrieros? Qui pensez-vous que nous soyons? Des soldats à la débandade? Moi, je suis diplômé. Ma femme est médecin. Là, avec leur passe-montagne, ce sont des professeurs, des ingénieurs. Et vous êtes tous venus ici? Seulement les meilleurs. Nous avons fait une sélection. Ça fait un an que nous nous préparons. Quel âge avez-vous? Entre 20 et 30 ans. Admettons que j'obtienne le cessez-le-feu. Ne me dites pas que vous y croyez vraiment. Vous croyez qu'on vous écoutera? Nous avons demandé à vous voir parce que nous savons ce que vous écrivez. Mais prenez garde, vous n'irez pas très loin non plus, Politkovskaya. La Russie a besoin de notre sang. Votre tractation est une connerie. Ils nous attaqueront. Même si nous libérons les otages, ils nous attaqueront. Et alors? Vous allez faire quoi? Nous sommes bourrés d'explosifs. Nous allons nous faire sauter. Tandis qu'il dit ça, il soulève sa veste de camouflage. Il porte une grosse ceinture épaisse, pleine de fils électriques, prête à exploser. Le vieux Chomsou, avec son chapeau en laine, cherche son neveu Oumar. Il s'adresse à un officier. Il frappe à la porte de son bureau. Vous pouvez peut-être m'aider? Tiens, mon vieux, il y a un formulaire à remplir. Une feuille pour chaque disparu. Le vieux Chomsou ne sait pas écrire. Ne pourrait-on pas procéder autrement? L'autre le regarde, puis acquiesce. On peut s'entendre. Mais d'abord, il y a un beau costume dans les shops au marché, là, dans la rue. Tu achèterais un beau costume pour avoir ton neveu? Avoue que c'est un bon deal. Le vieux Chomsou sort en courant, il rassemble ses sous. Une demi-heure plus tard, le beau costume est sur un cintre pendu dans le bureau. Où est mon neveu? L'autre acquiesce. On peut s'entendre, mais d'abord, il fait chaud ici. Je prendrais volontiers un bon bain frais. Tu paierais un bon bain frais pour avoir ton neveu? Avoue que c'est un bon deal. Le vieux Chomsou sort en courant. Il engage tout ce qu'il a. Il dégote un bain frais à Grozny. Ça vaut une fortune. Où est mon neveu? L'autre acquiesce. On peut s'entendre, mais d'abord, moi j'ai une fille à Moscou. Elle voudrait tellement un chapeau en soie. Tu trouverais un chapeau en soie pour avoir ton neveu? Avoue que c'est un bon deal. Le vieux Chomsou emprunte de l'argent à tout le village. Le chapeau en soie est déjà emballé avec un beau nœud. Viens demain matin dans ce bureau. Tu trouveras ton neveu. La nuit passe en un éclair. Le vieux Chomsou se présente tôt le matin. Il veut être le premier. Il monte les escaliers au fond du couloir. Il frappe à la porte. Personne ne répond. Il frappe encore. La clenche tourne. Le bureau est vide. Tu cherches qui là-dedans, mon vieux? Il n'y a plus personne, ils sont tous rentrés à Moscou. Hier, c'était le dernier jour de déménagement. Voilà, tiens, il y a un formulaire à remplir. Une feuille de papier pour chaque disparu. Moi aussi, j'ai tué. Moi, Anna. Moi aussi, au fond, j'ai du sang sur les mains. Ici, en Tchétchénie, tout le monde en a. J'y pense souvent. Combien de personnes j'ai sur la conscience? C'était en 2001. J'arrive au moment du coucher de soleil dans un village de montagne, Tovzeni. Je cherche des informations sur les saccages qui frappent tous les villages. Je pose des questions, j'interroge. Personne ne me parle. On m'évite. Tout à coup, un montagnard vient à ma rencontre. Grand, costaud, le visage dur, sculpté à la hache. Il s'appelle Vara Koussoyev. Il me raconte qu'il y a quelque temps, il était instituteur de l'école primaire. Et il me fait entrer dans un cabanon. On dirait une grange ou une étable pour les chèvres. Pas du tout, c'est chez lui. On s'assied, il me verse une boisson chaude, puis il me regarde et il raconte. Une autre femme accepte de me parler. La quarantaine, elle s'appelle Mara. Elle tient son fils par la main, on me fait entrer dans un poulailler. C'est là qu'on parlera. Ils ont tué une famille parce que dans son frigo, il n'y avait pas de bière. Je salue l'instituteur sur le seuil du cabanon. Je salue Mara et son fils sur le seuil du poulailler et je tiens ma promesse. Je publie tout. Deux jours après la parution de l'article, un fourgon blindé russe s'arrête devant le cabanon. C'est toi, Vara Koussoyev, celui qui a parlé à la journaliste? Il n'a pas le temps de répondre. Une rafale. Et voilà. C'est toi, Mara, celle qui a parlé à la journaliste? Elle n'a pas le temps de répondre. Une rafale. Par terre. Elle et son fils. Mort à cause de moi. Par ma faute. Autour de moi, on me rassure. Ça n'a pas de sens, Anna. C'est les Russes qui les ont tués, pas toi. Bien sûr. Il ne serait pas mort s'il ne m'avait pas parlé. Le réveil. Où suis-je? Où est-ce que je me trouve? Brouillard. J'entends des voix autour de moi, mais pas distinctement. Des sons comme des voix. Pas nombreuses, une, deux. Elles parlent. Il suffirait d'ouvrir les yeux. En effet, j'essaie. Rien. Je n'y arrive pas. Je reste immobile. Je ne bouge pas. Étendue, bien sûr. J'explore l'espace du bout des doigts. C'est mou, frais. On dirait un lit. Qu'est-ce que je fais dans un lit? Et qui parle à côté de moi? J'entends mon nom. Et qui que ce soit, il le répète. Mais sans hurler, non. D'une voix douce. Anna, vous m'entendez? Anna? Il suffirait d'ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce que ça coûte, au fond? Je me décide. J'essaie. Une fatigue écrasante. Je m'efforce. Je les entr'ouvre un instant. Purée d'eau. Pendant un instant, j'ai vu que tout était blanc. Le plafond blanc, le drap blanc. Et qui que ce soit tout près de moi est une tache blanche. Je respire difficilement. Je sens ma poitrine se soulever au rythme de mon cœur. En haut. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas. De temps à autre, une pause toute petite, puis ça reprend, sans secousse. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Je tente encore un effort, je cherche à me souvenir la dernière chose, la dernière brèche. Je regarde en moi mes souvenirs, des tiroirs confus. Encore brouillard. Une seule image, voilà. Un endroit exigu. tout le monde assis, en rang. Qu'est-ce que c'est? Un train? Un autobus? Non, non, non, non. Des petites fenêtres, rondes. Un avion. Et voilà, lentement. Comme quand on développe une photo qu'on laisse tremper dans l'acide et qu'elle prend vie, estompée, sortie du néant, le tableau se compose. Il y a moi qui cours, pour ne pas rater le vol. Et quatre hommes qui m'arrêtent par le bras. Madame Politkovskaya, où allez-vous? Qui êtes-vous? Service d'ordre, que me voulez-vous? Où allez-vous? Où c'est-il? Beslan, à l'école où il y a la prise d'otage. Bien, suivez-nous, votre vol est celui-ci. Je monte à bord, je m'assieds, je suis essoufflée. Je pense, je voudrais dormir. J'ai soif, je demande un thé. Je me souviens, le plateau en plastique dur. C'est trop chaud, je souffle dans le gobelet. Je bois une gorgée, puis l'autre, en regardant à l'extérieur. Moscou disparaît, je bois les maisons, les rues, les champs. Je bois, puis le brouillard. Je m'endors. Je vais où? Et là maintenant, je suis où? Je rassemble mes forces, je les serre toutes dans mon poing fermé. Je crie en moi, « Vas-y, ouvre les yeux, laisse-moi voir !» La poitrine bat très très vite maintenant. Je pousse sur mon front, une douleur lancinante à la tête. Je suis craquée, puis j'écarquille les yeux. Le blanc, c'est une chambre, couleur d'hôpital. Les voix de tout à l'heure sont celles de deux infirmières. L'une maigre, l'autre blonde avec des tresses marrantes. Elle sourit. L'une des deux prend mon pouls. Maintenant, calmez-vous, tout va bien. Reposez-vous, vous serez vite sur pied. J'ouvre les rideaux. Vous désirez un peu de lumière? J'acquiesce en baissant mon menton. Puis la fatigue me noie, déferlant par le bas comme une vague. Avant de fermer les yeux, tandis que tout devient flou, je parviens à demander du bout des lèvres. J'étais dans l'avion, et puis quoi? Et la réponse arrive avec un sourire. Vous avez été empoisonné. Là-bas, dans cette école, en Ossétie, à Beslan, vous y avez été... Dites-nous. Selon vous, qui a raison, Madame Politkovskaya? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Qui a tort, Madame Politkovskaya? Les Russes? Ou les Tchétchènes? L'armée? Ou les terroristes? Au sujet de Beslan, de quel côté êtes-vous, Madame Politkovskaya? Qui condamnez-vous? Qui s'est trompé, Madame Politkovskaya? Qui était dans son droit à Beslan? Vous avez des deux, idée. En fin de compte, qui sauveriez-vous? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Oui, j'ai été à Beslan. Quelque temps plus tard. J'ai vu de mes propres yeux un village de tombes, de cercueils, de fosses. J'ai vu une école réduite en éclats. Les crayons par terre, à peine taillés. Les dessins sur lesquels étaient inscrits premier jour de classe. Les guirlandes arrachées. Les noms des classes. Cahiers lignés, quadrillés. J'ai vu la salle de sport que l'on a prise d'assaut aux lance-roquettes alors que les otages étaient à l'intérieur. J'ai vu les toilettes éclaboussées de sang, partout. Et l'empreinte des corps entassés, calcinés sur les parois. Vous avez été jusque là-bas, Beslan, Madame Politkovskaya? De quel côté êtes-vous, Madame Politkovskaya? De quel côté êtes-vous, Madame Politkovskaya? Les Russes ou les Tchétchènes? L'armée ou les terroristes? Eh bien voilà. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence? Non, non, mieux encore. Je soutiendrai les terroristes qui, bourrés de tolites, se sont fait sauter en serrant un enfant dans leurs bras en classe de géographie? Un moment. Ne serait-ce pas mieux que je soutienne l'armée? L'armée qui bombarde avec des grenades le toit d'une école où sont entassés 400 enfants? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je pourrais soutenir les terroristes tchétchènes qui ont fait boire de l'urine aux otages. Je pourrais soutenir l'armée russe qui, contre Beslan, a utilisé des armes interdites. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je pourrais soutenir les Tchétchènes qui aujourd'hui encore célèbre le chef de Beslan comme un héros. Je pourrais soutenir les Russes, leur président, qui sur les victimes, 339, ne dit pas un mot. Bien sûr, prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je sais que j'ai marché à Beslan, au milieu des fosses. Il y en a de simples, de doubles, de triples, de quadruples, de quintuples, de sextuples. Les noms sont sculptés sur du bois, avec la pointe d'un tournevis, ou sur un carton, avec un feutre. Et toi, tu marches au milieu de tout ça. Et tu lis. D'un côté et de l'autre. À droite et à gauche. Tu marches et tu lis. Alexandra Balandina, 9 ans. Marina Totrova, 11 ans. Rassam Roubaïev, 14 ans. Alina Tetova, 11 ans. Ira Tetova, 12 ans. Zera Tetova, 10 ans. Lana Tavasieva, 9 ans. Madina Pouraeva, 12 ans. Marzin Rouchov, 9 ans. Alina Roubazeva, 11 ans. Tamerlan Sharapov, 13 ans. Lana Razinova, 14 ans. Olga Zadoyeva, 13 ans. Anna Zadoyeva, 11 ans. Larissa Zadoyeva, 10 ans. Madina Suzanova, 7 ans. Inga Suzanova, 9 ans. Boris Suzanova, 14 ans. Je devrais prendre position. Parce que prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Alors voyons. Voilà. Soutiendrai-je les terroristes qui, bourrés d'héroïne et de marijuana, ont pris 1127 otages dans une salle de sport le premier jour de classe? Ou, au contraire, soutiendrai-je l'armée qui a utilisé les lance-flammes contre des enfants de moins de 10 ans? Je voudrais demander à ceux qui font preuve d'intelligence. Sur les tombes, y a-t-il écrit « tué par les Russes » ou bien « tué par les Tchétchènes » Y a-t-il écrit « tué par l'armée » ou « tué par les terroristes » Je recommence à marcher. Allée numéro 2, section instituteur, concierge, parents. Irina Adirkayeva, 39 ans. Karzeb Kondzev, 66 ans. Timur Tsavlakov, 34 ans. Zarema Zuzmalovskaya, 34 ans, tuée pour avoir couvert sa fille de son propre corps. J'ai envie de vomir. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je détale? Je continue ou je ferme les yeux? Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Je n'écris jamais de commentaires, ni d'avis, ni d'opinions. J'ai toujours cru, et je continue à croire, que ce n'est pas à nous de juger. Je suis une journaliste, pas un juge et encore moins un magistrat. Je me limite à raconter des faits. Des faits tels qu'ils se produisent, tels qu'ils sont. Ça peut paraître la chose la plus simple. Ici, c'est la plus difficile. Et ça coûte un prix fou. Quel prix ? Le prix que tu paies quand tu ne pratiques plus un métier, mais quand tu rentres en guerre. Tu combats. Tu te sens un combattant. Et à 47 ans, je suis fatiguée. Ni apeurée, ni découragée. Fatiguée. Fatiguée de lire chaque jour dans les journaux politiques que je suis folle. Politkovskaya, la schizo. Politkovskaya, la parano. Fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi celui qui dit la vérité est un fou et celui qui ment fait carrière. Fatiguée de recevoir entre 10 et 15 menaces de mort par semaine. Elles m'arrivent sur mon PC, parfois au téléphone. Fatiguée de me sentir une criminelle. Tous les 6 jours, quand un de mes papiers paraît, je suis conviée chez le procureur, avec les voleurs et les délinquants. Certains sont là parce qu'ils ont volé, d'autres ont commis une attaque à main armée, d'autres ont violé. Moi, j'ai fait du journalisme. Je connais les couloirs, les salles d'attente, les bureaux. J'entre, je m'assieds. La première question est toujours la même. Pourquoi avez-vous écrit des mensonges? Et qui vous a donné ces informations? Suis un interrogatoire. 2, 3 heures, pourquoi pas même 4. Parfois, on me retient en garde à vue, parfois on m'arrête. Je suis fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi je passe la nuit en tôle. Fatiguée de penser que l'information libre ici n'existe plus. 90% des journalistes en Russie travaillent pour le pouvoir. Quand tu travailles pour eux, tu n'es plus journaliste, tu es porte-parole. Ça marche comme ça. La presse se divise en ceux qui sont pour la Russie et ceux qui ne sont pas pour la Russie. Si tu es pour la Russie, après 5, 6 ans, tu deviens député. Si tu n'es pas pour la Russie, tu ne dois pas faire du journalisme, point. Sans quoi tu fais de la propagande contre l'État, point. La propagande contre l'État est punissable. Par la mort. Tôt ou tard. Point. Allô, maman ? Mon fils a une drôle de voix. Il essaie de le cacher au téléphone. Si je lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» Il me répond à 2 ou 3 reprises « Rien, je t'ai dit, t'en fais pas. » Quand je suis à l'étranger, loin de Moscou, on me dit toujours « Ne t'en fais pas » ou bien « Quand tu rentres, je te raconte. » Cette fois, c'est différent. Il me suffit d'insister un peu plus qu'à l'ordinaire. Ils ont tué une femme ce matin. Il y a eu un coup de feu, juste là, ici en bas. Elle rentrait dans notre immeuble, elle allait voir une amie au premier étage. Elle avait des cheveux blancs, ta taille. Elle avait ton âge, plus ou moins. C'était vraiment une femme comme toi. On dit qu'on a voulu l'enlever, mais... La voix de mon fils s'interrompt sur ce mais. Et moi qui suis ici en Europe, dans ma chambre d'hôtel à Vienne, je me demande ce que cela signifie. Il me faut un peu de temps pour réaliser, pour faire le lien. La voix de mon fils bégayait. Ils ont tué, juste en bas de chez moi, une femme comme moi. Une femme comme moi. Cette phrase ricoche dans mon cerveau. Je raccroche. Je réfléchis encore une minute. Une femme comme moi. Tuée par erreur. Parce qu'elle me ressemblait. Parce qu'elle entrait dans mon immeuble. Les cheveux blancs comme moi. Ma taille. Une femme comme moi. C'était mon tour, mais c'est tombé sur elle. J'ai dénoncé, signalé, demandé, exigé. Mais au fond, à quoi ça sert? Qui s'est trompé tôt ou tard corrigera le tir? Je le sais. Peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans combien de temps? Qui sait? Disons, tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard. Anna Politkovskaya a été retrouvée morte le 7 octobre 2006 dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou. Elle était rentrée à la maison après avoir fait ses courses. Ses sacs étaient nombreux et lourds. Elle les montait en 2 fois. La première était faite. La seconde a été interrompue. Les sacs sont par terre, renversés, dans le sang. 4 balles l'ont tué, dont l'une a atteint sa tête. À côté du cadavre, on a laissé un revolver Makarov PM et 4 douilles. L'arme typique des homicides par ordonnance. La police a séquestré le PC de la journaliste et tout le matériel de sa dernière enquête sur les tortures en Tchétchénie. L'enquête était prête à être publiée dans le prochain numéro. Des mois plus tard, il est toujours sous séquestre. Non publiable jusqu'à une date ultérieure. Les funérailles se déroulent le 10 octobre au cimetière Troïekourovski de Moscou. Plus de 1000 personnes prennent part à la cérémonie. Parmi elles, aucun représentant du gouvernement russe. Aucun des partis au gouvernement. Aucun journal d'État. À la question « Quel est votre commentaire au sujet de la mort d'Anna Politkovskaya ?» l'un des hommes les plus en vue de l'establishment répond « Désolé, je ne sais pas qui est Anna Politkovskaya. » Venez d'entendre « Femme non rééducable » de Stefano Massini, traduit de l'italien par Pietro Pizzuti, avec Ariane Ascaride et Clément Bresson de la Comédie Française, enregistré au Théâtre de la Ville Espace Cardin en juin 2020. Musique originale, Sébastien Quincé. Conseiller littéraire, Guillaume Poix. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Baptiste Guiton. Remerciements aux équipes techniques du Théâtre de la Ville.